الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ثم أما بعد. Nous traduisons ici un document audio où l'érudit savant Cheikh Docteur Mohamed Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah racontait l'histoire de sa conversion de la tariqa, de la secte Tijaniya à celle de Ahl Sunnah wal Jama'a. Le Cheikh rahimahullah avait expliqué cela plus longuement dans un livre entier dédié à cette question de la secte soufie, vraiment enfoncée dans beaucoup de ténèbres, qu'est la tariqa Tijaniya. Son livre s'intitule Al-Hadiyatul Hadiya ila Ta'ifat Tijaniya, le cadeau qui servirait de guide pour la secte Tijani. Le Cheikh l'avait écrit, comme il parle ici, dans un objectif de da'wa et de conseil pour ceux qui avaient succombé et contracté cette tariqa shirkiya, iyazan billah. Il écrit aussi cela car cela relève de son repentir à lui, de sa tauba, car Allah avait certes exigé, dans le cas de la tauba d'une innovation, d'une bid'a, de réaliser la tauba proprement dite comme celle que l'on fait des péchés, puis de corriger ce qu'on peut corriger, et ensuite de montrer aux gens le sentier du vrai. Un verset de la sourate de Al-Baqara explique tout cela. Allah Azza wa Jal dit: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Traduction rapprochée de ce verset. En fait, ce sont deux versets qui se suivent. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides, après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent, sauf ceux qui se sont repentis, ayant corrigé et clarifié. De ceux-ci je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Fin de la traduction de ces deux versets. Écoutons maintenant Cheikh Taqiyuddin Hilali rahimallah en arabe et puis passons à la traduction de sa parole. Ikhwani, nahna fawtna umr 29 sana min umri ana fi ash-shirk wa ibadat al-awthan wa ana safart min al-jazair wa ana hakadha aqul ash-shi'r wa a'raf al-fiqh al-maliki wa a'raf kull shay. ومع ذلك ما نفعنيش. سافرت من الجزائر إلى فاس لأجل أزور خبر التجاني، واعتمدوا 3 أيام وشفتوا 3 قصائد وطلبتوا منها في خير الدنيا والآخرة والعلم وكل شيء، ولكن أنا كنت في كفر وفي ضلال، وكنت أنا أعرف أن شيخنا المقدس المغفور رحمة الله عليه محمد بن العربي العلوي عرف أنه عدو التجاني وما حبات لقبه أبدا، لكن ما شعرت إلا والله جمعني به، وهو جزاه الله خير تحيل عليا وظهر لي من تواضع ومن المحبة لما يظهرش واحد ولده، وقال لي يا ولد إذا أنت بغيت تبع الطريقة على العمياء والجهل والتقليد لك أكعهد الله ما نذكر هالطريقة بشر وانت معنا، وإذا بغيت على العلم تعال أنا أتناظر لك حتى أنا كنت جاني، إذا غلبتني أرجعنا للطريقة أغلبتك ترجع تخرج، وتناظرنا 8 أيام وغلبني بلا شك، لأنني هذا غير تواضع منه، لأن ما قدرت الجواب الأول ما قدرت أنا أجاوب عنه. قال لي في الجواب في السؤال الأول: ما هو أول اختلاف وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عرفت أنا صاحب طريق أحمر، فقلت له قول إن أنت. قال: أول اختلاف وقع بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو بين فاطمة وأبي بكر الصديق. فاطمة قالت لأبي بكر الصديق: أعطيني ميراثي من أبي. قال لها أبو بكر الصديق: يا بنتي هاجي برك عشرة من خيار الصحابة اللي ما تشكيش في صدقهم، ان والدك يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، ما عندنا، ما يتورثوا الانبياء، ما يورثوا غير العلم، المال ما يورثوش. ام فاطمة ما اقتنعت شي وغضبت، وعاشت غير ست شهور بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهي غضبانة على ابي بكر الصديق. قال لي الشيخ رحمه الله واش النبي سهل عليه باش بنته تغضب؟ ليقول هي بضعة مني، هي الحمام من جسدي، ولا حبيبها ابو بكر الصديق ولا احب الناس لي ابو بكر الصديق يغضب؟ لو كان يخرج التجاني في اخر الزمان يقول له انت حبيبي ومن احبك حبيبي، انت من الامينين وكل ما احبك من الامينين، علاش ما يخرجش لهذه المصلحة باش يصلح بين بنته وبين ابو بكر الصديق ويظهر في اليقظة كما ظهر الشيخ التجاني؟ يقول له انت اما يقول فاطمة يا بنتي راكي غلطانة، هذا شيء انا قلتها لاصحابي، ولا يقول ابو بكر انا بغيتها بدل شريعتي لها نعطيها الميراث، وهذا محال. فهذا غير اول مناظرة غلبني فيها اول مسألة، ولكنه استمر يعني سؤال بعد سؤال حتى عرف انا فارغ حتى شيء ما عندي. وزادني عاد سيد فاطمة الشرادي الذي هو اكبر مقدم في الطريقة التجانية، مقدم عندكم في الطريقة هو الشيخ الفاطمة الشرادي. ليش ما قلت له؟ انا قلت لكن لا تسألوا قدام الناس راه ما يجاوبش. مشيت له وقعدت معاه من الصبح الى حتى تغدينا وصلنا الظهر، فحينئذ ما صفأت الناس، سألته ما جاوبنيش، عمل يبيدو هكذا. لكن بعد العشاء جانا البواب الشراطي اللي كنت انا ساكن فيها، يقول سيد الفاطمي الشرادي راه رسل العبد والبغلاء لهذا الفقيه هذا. انا شاب يعني ما احتاج يرسل لي البغلاء، لكن رحمة الله عليه إكرام لي أرسل لي البغلاء والحب. ولما جيت قال لي يا ولدي أنا خايف أموت أنا في النوم، ما قدرتش أنام قبل ما أجيبك عنك السؤال. اعلم أن لا ينفع إلا كتاب الله وسنة الرسول. أنا كنت في الطريقة الوزنية سنين، وكنت في الطريقة القادرية عبد القادر الجيلاني رحمه الله سنين، وكنت في هذه الطريقة وصرت أنا أكبر مقدم فيها التجانية سنين، ولكن حتى فإذا ما لقيت في الطرق عليك بكتاب الله وسنة رسول الله. ولكن يا ولدي أنا كبير السن وضعيف وما نقدرش ندابز، وسيدي محمد العربي يقدر يدابز، لكن ما قدرش أجاوبه قدام الناس. في الحاصل يعني علينا بكتاب الله وسنة الرسول، ونسأل الله تعالى أن يحيينا عليهما ويميتنا عليهما. Voici la traduction de cette parole du Cheikh Mohamed Taqiyuddin Hilali rahimahullah. Il dit: Oh mes frères, nous avons perdu tout un âge. J'avais passé 29 ans dans le shirk, dans l'associationnisme et dans l'adoration païenne, Ibadat al-Awthan. Et j'avais voyagé de l'Algérie. Alors que j'étais comme ça, je pouvais parler en poésie. Je connaissais le fiqh malikit et je savais tout. Et malgré tout cela, ça ne m'a été d'aucune utilité. Note du traducteur remarquant au passage l'extrême modestie des savants de la sunna. Le cheikh rahimallah avoue avoir été dans le shirk et dans le kufr. Il avoue que toute sa science ne lui était d'aucun secours. N'était-ce qu'Allah ne l'ait pas guidé et sauvé de cette situation très critique qu'est la tariqa tijaniya de l'kufr. Il est aisé aussi de comparer sa franchise, sa grande audace de dire le vrai, de la comparer par rapport à la position des gens qui font tout leur possible pour défendre le faux, pour défendre leur fossé, pour qu'ils ne soient pas découverts devant les autres. Ils s'entêtent donc dans l'erreur, dans l'égarement, dans l'innovation, la bid'a, qu'Allah nous en protège. Mais entre Cheikh Hilal rahimallah et ses innovateurs qui ne veulent pas encore se repentir, il y a tout un fossé. Il y a au moins deux traits distinctifs aussi. Le premier, lui, était un grand savant, un vrai, au vrai sens du terme, un érudit. Deuxièmement, lui, avait des qualités personnelles que vous remarquez ici dans cette parole et à travers ses livres et ses documents sonores enregistrés. Il dit, rahimallah, j'avais voyagé de l'Algérie à Fès afin de visiter le tombeau de Tijani. J'avais passé là 3 jours et j'avais composé pour lui 3 poèmes où je lui demandais le bien de cette vie terrestre et celui de notre vie. Je lui demandais aussi la science et tout. Cependant, j'étais dans le kufr, dans la mécréance et dans l'égarement. Je savais que notre saint cheikh, qu'Allah lui pardonne, et l'ait en miséricorde, Muhammad ibn al-Arbi al-Alawi, était un ennemi de Tijani. C'est pourquoi je ne voulais pas le rencontrer. Cependant, il s'est fait que je me trouvais en face de lui. Lui, qu'Allah le récompense par le bien, m'avait traité avec sagesse. Il m'avait montré de modestie et d'amour ce qu'un père ne fait pas pour son enfant. Il me dit, oh mon enfant, si tu veux suivre cette secte sur la base de l'aveuglement, de l'ignorance et de l'imitation, je te donne un serment de ne plus parler en mal de cette tariqa, de cette secte, quand tu y es avec nous. Mais si tu la voulais sur la base de la science, venons au débat, puisque moi aussi j'étais Tijani. Si tu me bats, on revient tous à la tariqa. Et si je te bats, tu en sors. Nous avons tenu un débat pendant 8 jours, et il m'avait battu sans aucun doute. Car ceci n'était que modestie de sa part. Quant à moi, je ne pouvais pas fournir la première réponse. Note du traducteur, remarquez l'humilité de ces hommes, leur modestie et le respect de la vérité qui est le leur. Et regardez comment beaucoup de gens s'enflent d'orgueil et ne veulent pas céder la partie, quoiqu'ils voient des preuves et des arguments irréfutables. Fin de la note. Il dit, rahimallah, il m'avait interrogé quel était le premier différent après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne savais pas répondre. Car l'auteur même de cette tariqa, de cette secte, était un âne. Rire des assistants. Je lui avais répondu, dis-le toi-même. Il dit, le premier différent survenu après le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, était entre Fatima et Abu Bakr al-Siddiq. Fatima dit à Abu Bakr al-Siddiq, donne-moi l'héritage de mon père. Et Abu Bakr al-Siddiq lui répondit, oh ma fille, je peux t'amener 10 des meilleurs compagnons, de la sincérité desquels tu ne douterais pas, qui se soutiennent que ton père avait dit ceci, nahnu ma'ashir al-anbiya la nourath ma taraknahu sadaqa. Traduction de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous les prophètes, on ne nous hérite pas. Ce que nous avons légué est destiné à la sadaqa, à l'aumône, à la charité. Les prophètes ne laissent pas d'héritage, sinon celui de la science. Ce qu'ils laissent en argent, personne ne doit le prendre en héritage. Or, Fatima n'était pas convaincue. Elle s'était fâchée contre Abu Bakr Siddiq. Elle avait vécu seulement 6 mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle s'était éteinte. Le cheikh m'avait demandé, est-ce que ceci est chose aisée pour le prophète de voir sa fille en colère alors qu'il disait d'elle que c'était une partie de lui? Il disait que c'est un morceau de chair de lui. Est-il aisé pour lui que son ami bien-aimé Abu Bakr Siddiq et qu'il chérissait le plus parmi les hommes, qu'il se fâche aussi? S'il devait sortir pour Tijani en fin de temps, il devait a fortiori sortir lors de cet incident, c'est-à-dire entre Fatima et Abu Bakr, qu'Allah les agrée. Et Tijani prétend que le prophète lui aurait dit « Anta habibi, wa man ahabbaka habibi, أنت من الآمنين وكل من أحبك من الآمنين. Traduction de cette parole que Tijani y prétend que le prophète lui aurait dit. Tu es mon chéri, et celui qui t'aime est aussi mon aimé. T'es parmi les rassurés, et celui qui t'aime fait aussi partie des rassurés. Note du traducteur. Ce Ahmed Tijani, qui avait fait beaucoup de mensonges à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'égard de l'islam, et à l'égard de ses adorations, et surtout à l'égard du prophète, ne saurait être un rapproché ou un aimé de celui-ci, c'est-à-dire du prophète, mais plutôt un ennemi d'Allah et du messager. Fin de cette note. Pourquoi ne sort-il pas pour ce grand profit, ce bénéfice, qui est de réconcilier entre sa fille et Abu Bakr Siddiq? Que n'apparaît-il pas en état d'éveil, comme il s'est montré à ce Tijani, en lui disant ceci et cela? Pourquoi ne venait-il pas dire à sa fille, « Tu as tort, car certes j'avais dit ceci à mes compagnons. » Ou bien, que ne dit-il pas à Abu Bakr, « Oui, je veux lui accorder cet héritage. » Or, ceci est impossible. Cheikh Lilali commence encore après tout cela. C'était le tout début du débat, et il m'avait vaincu dès la première question. Cependant, il continuait une question après l'autre, jusqu'à ce que j'avais réalisé que j'étais vide. Cheikh Lilali, rahimahullah, continue. Je sus donc que j'étais nul. Je n'avais rien, et il m'avait vaincu. Et en dépit de cela, il me proposa de demander l'avis de Cheikh Al-Fatim al-Sharradi, qui fut le grand chef de sa tariqa Tijaniya. Il me suggéra d'aller le voir, de lui demander cela, mais non pas devant l'auditoire, car il ne saurait me répondre dans ce cas. Aussi étais-je allé le voir. Nous sommes restés ensemble depuis l'aube. Nous avons déjeuné ensemble, fait la prière, salat al-dhuhr, ensemble, et je lui posais la question. Il ne m'avait pas répondu. Néanmoins, après la salat de l'Isha, le concierge était venu me voir dans le quartier de Al-Sharratin, où je résidais, en me disant, Sidi Fatmi Sharradi envoie son esclave et sa mule pour ce frais, c'est-à-dire pour moi. J'étais jeune, je n'avais pas besoin de ça, mais il avait fait cela pour m'honorer. Quand j'étais devant lui, il s'écria, « Oh mon enfant, je craignais de mourir lors de mon sommeil, sans t'avoir répondu sur cette question. Sache donc que le profit se trouve dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager. J'avais passé des années dans la tariqa al-Wazaniya, puis des années dans la tariqa al-Qadiriya, Abdul Qadir Jilani, qu'Allah l'ait en miséricorde. Puis je devins dans la tariqa Tijaniya, son grand chef pendant des années. Or, je n'ai trouvé aucun profit dans toutes ces sectes. Tu as intérêt à t'attacher au livre d'Allah et à la sunna de son messager. Oh mon enfant, je suis vieux, faible, et ne peut pas rivaliser. Sidi Muhammad ben l'Arabi, lui, le peut. C'est pourquoi je me suis abstenu de te livrer cette réponse tout à l'heure devant tout le monde. Cheikh Muhammad Taqiyuddin Hilali rahimahullah conclut. En somme, nous devons tenir au livre d'Allah et à la sunna du messager. Nous implorons Allah pour qu'il nous fasse vivre selon leur voie, et qu'il nous fasse mourir sur elle également. Fin de la traduction de ce document.